casa, te rog am ba, cum baba, sunt la baș, amen ma fest, putași de pe statu și-o pe katana, ta-ta-ta-ta, te-aș ia le sang qui coule, dă-mi pute în vena, la galère d'Aenaïe. Je m'en dis, eh ben, je la rate pas, les pieds sur terre, je fais boussa, faut la bac, pourquoi faire tout ça, j'irai loin, je me taille Sahara, la sacoche est remplie de peine, que des lettres, des bons mettent à freine, comme ce mec du bled qui dégaine, le visage cache la misère, ça parle pas. Les étanges pourtant je les vois pas. La lumière est là, je la vois pas. Je veux te faire booster, je me rends pas. Le fer fait danser la salle. Pa-pa-ra-pa-pa, cavaliero. Oh, cavaliero. Pa-pa-ra-pa-pa-pa, cavaliero. Oh, cavaliero. Pa-pa-ra-pa-pa-pa, cavaliero. Oh, cavaliero. La misère à travers les yeux, que de la peine à travers les cieux. Désolé mesdames et messieurs, j'suis pas un rappeur, moi j'suis pas comme eux. Le cœur est noir, je le coupe en deux. Pour Yoma, on fera le mieux. Traîne la faille, moi c'est baba. J'en parle peu, j'en parle pas. L'hiver dans le froid, tu sais pas. Ouais, foutre allumé, pas droit. Heureusement qu'on a la foi. Et le cœur fait voir la voix. Pa-pa-ra-pa-pa, cavaliero. Oh, cavaliero. Pa-pa-ra-pa-pa, cavaliero. Oh, cavaliero. Pa-pa-ra-pa-pa, cavaliero. Oh, cavaliero. Pa-pa-ra-pa-pa, cavaliero. Oh,